Communauté. Quoi, qui, pourquoi, comment, où, quand. À chacun une selon ses besoins, de chacun une selon ses moyens, disaient les partageux et partageuses dès au moins la fin du XVIIIe siècle, avant la supposée naissance de Jésus-Christ. La communauté de possession ou propriété commune sert à tendre à la satiété des besoins de chacun une en tendant à l'usage des moyens de chacun une, parmi lesquels sont les moyens de savoir ces besoins et de nous les enseigner mutuellement, dont, guillemets, est l'idéo-analyse, c'est-à-dire analyse des idées mêmes insues ou psychanalyse, et autres méthodes scientifiques, c'est-à-dire produisant des résultats hypothétiques soumis à doute systématique et permanent afin de vérification prudente de leur probance et utilité sociale. La matériologie, hypothèse que toute chose serait matière, exemple, les idées. La sociologie, hypothèse de la combinabilité ou intersectionnalité des modes de domination-oppression, donc privation, exemple, Françoise Bettencourt-Meyers, en fait subir à des personnes probablement en raison et non à cause, consciente ou non, de moult choses, classe, genre, race et quelque identification que ce soit, et en subit probablement en raison, consciente ou non, qu'on l'identifie à une femme et autres. L'idéologie. Hypothèse que les idéations dépendraient de la condition matérielle. Exemple. Croyance en le prolétariat émancipatoire dépendrait d'un manque de liberté sociale et de l'association ainsi influemment positive à des dites prolétaires, etc. Nous pourrions faire cette mise en commun des possessions, où et quand est disponible la force nécessaire à cette action difficile. Comment donc tendre à l'usage des moyens de chacun une pour satisfaire nos besoins? Faut communiquer tous ensemble quels sont nos moyens et besoins et comment nous aurions besoin d'en faire usage pour que ces moyens satisfassent les besoins. Parenthèse, concertation. Puis appliquer le plan, mais revenir à concertation dès qu'est perçu besoin de. Lors des concertations, conclure que lorsque unanimité manifeste et latente est atteinte,